Chapitre deuxième. Je n'avais pas 30 ans quand elle m'apparut pour la seconde fois. Ce fut, je m'en souviens, par une soirée d'octobre. J'étais sorti seul de la ville. J'allais sans but à travers champs, sombre, affaissé, sans savoir pourquoi. J'étais ainsi depuis longtemps, et sans y avoir goût, je recherchais la solitude. Le ciel était bas et voilé. Une bise glacée abattait avec un bruit sinistre les dernières feuilles des arbres. Les haines avaient que leur baie pour parure. Des aboiements lugubres qui partaient d'une ferme éloignée, un filet de fumée bleuâtre qui s'élevait à travers les rameaux, révélaient seule la vie dans ces campagnes désolées. Cependant, quelques oiseaux effarés volaient çà et là de branche en branche, de noirs corbeaux tachaient la plaine, des bataillons de grues filaient lentement dans l'air gris du soir. J'allais, mêlant mon âme au deuil de la nature. Depuis longtemps j'étais pris comme elle de cette froide mélancolie qui accompagne la fin des beaux jours. M'étant assis au pied d'un buisson dépouillé, je vis passer auprès de moi deux vieilles femmes qui marchaient à pas lents, courbées chacune sous un fagot d'épines, provisions d'hiver qu'elles rapportaient sous le chaume. Souvenir étrange, rapprochement bizarre. De cette même place où j'étais à 7 heures, j'avais vu passer bien autrefois, par un soir de mai, une troupe de jeunes filles qui se tenaient par la main et s'en revenaient chantant. J'avais 16 ans alors, et le buisson était en fleurs. Je cachai ma tête entre mes mains, et repassant dans mon esprit les jours qui s'étaient écoulés entre ce soir de mai et cette soirée d'octobre, je m'abîmai bientôt dans un morne et profond ennui. Quand je me levai, je vis à quelques pas devant moi une pâle figure qui me regardait tristement. Elle était si changée que j'hésitais à la reconnaître. Il n'y avait plus autour d'elle cette atmosphère lumineuse qui l'enveloppait à sa première apparition. Une tunique en lambeaux découvrait son beau sein meurtri. Ses pieds étaient en sang, ses bras tombaient sans vie le long de ses flancs amaigris. L'azur de ses yeux s'était marbré de noir, les pleurs avaient creusé leurs sillons sur ses joues livides. L'infortunée se soutenait à peine et, comme un lys flétri sur sa tige brisée, semblait s'incliner vers la terre. « Que me veux-tu ? » lui demandai-je. « Ami, l'heure est venue où nous devons nous séparer. Avant de te quitter pour jamais, j'ai voulu te dire un éternel adieu, » murmura-t-elle d'une voix plaintive, plus triste que le vent d'hiver. « Va-t'en, va-t'en » m'écriai-je. « Fée menteuse, qu'as-tu fait pour moi ? Où sont-ils ces biens que tu m'avais annoncés ? Je les ai vainement cherchés sur ma route. Où sont ces trésors que tu devais répandre sur mes pas ? Je n'ai trouvé que la pauvreté. Qu'est devenu ce diadème que tu devais me mettre au front ? Ma tête n'a porté que la couronne d'épines. Où est allé ce brillant cortège que tu promettais de me composer ? Je n'ai eu pour escorte que le désespoir et la solitude. Tu parles de nous séparer, mais à moins que tu ne sois le génie de la douleur, qu'eût-il jamais de commun entre nous ? Ah, s'il est vrai que tu m'es suivi partout, et que partout j'ai subi ton influence, va-t'en et sois maudite, car tu dois être l'esprit du mal. Je ne suis ni l'esprit du mal, ni le génie de la douleur, répondit-elle avec mélancolie. Mais c'est la destinée des hommes, de ne me connaître qu'après m'avoir perdu, de ne savoir le prix de mes bienfaits que lorsqu'il n'est plus temps d'en jouir. Ami, tu fus ingrat comme le reste de tes frères. Tu m'accuses et je te plains. Dans un instant, tu me connaîtras et tu voudras alors, au prix des ans que Dieu te garde encore, me revoir seulement un jour, tel que tu me vis pour la première fois. Tu demandes avec amertume où sont les biens que je t'avais promis. J'ai tenu toutes mes promesses, mais toi, tu les as dédaignés, ces trésors que je te prodiguais, sans me lasser, d'une main toujours pleine. Pour diadème, je t'ai mis au front la fraîcheur, l'éclat et la sérénité d'un matin de printemps. Pour cortège, je t'ai donné l'amour et la foi, l'espérance et l'illusion. Ta pauvreté, je l'ai faite si riante et si belle, que bien des puissants et des riches auraient voulu échanger contre elle leur palais et leur opulence. Ta solitude, je l'ai peuplée de rêves enchantés. Ton désespoir, je te l'ai fait aimer, et j'ai su t'enivrer de tes larmes à ce point que ton plus grand malheur sera désormais de ne plus pouvoir en répandre. Quand tu marchais, j'éveillais autour de toi la sympathie et la bienveillance. Tu ne rencontrais que des regards amis et des mains fraternelles. Le ciel te souriait, la terre elle-même fleurissait sous tes pas. À ton tour, réponds, qu'as-tu fait des dons de ma munificence ? Qu'as-tu gardé de mes largesses ? Que te reste-t-il de tant de félicité que j'avais semé le long de ton sentier ? Si tu n'as rien su conserver, est-ce à moi que tu dois t'en prendre? Si tu n'as su jouir de rien, est-ce moi qu'il faut t'accuser? À ces mots, une lueur tardive illumina mon être. Je sentis un voile qui tombait de mes yeux et restai frappé d'épouvante en voyant clair dans mon propre cœur. « Reste, reste, ne tomba pas !» m'écriai-je d'une voix suppliante. « Rends-moi ces biens que j'ai méconnus. Mes yeux s'ouvrent à la vraie lumière. Rends-moi l'amour et l'illusion. Rends-moi la foi et l'espérance. Fais que j'aime seulement un jour. Fais que je crois seulement une heure. Et, qui tu sois, je te bénirai en mourant. « Hélas !» dit-elle, « c'est moi qui vais mourir. Et ne le vois-tu pas ? Regarde-moi, j'ai bien souffert. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Voilà longtemps qu'un mal inconnu me consume. Un souffle dévorant a desséché mes os et tari dans mon sein les sources de la vie. Le sang n'arrive plus à mon cœur. Touche mes mains, tu sentiras l'humidité glacée de la mort. Pourtant, si tu l'avais voulu, j'aurais encore devant moi de longs jours. C'est toi, cruel, qui me tue avant l'âge. J'ai usé mes forces et meurtri mes pieds à te suivre. Vainement, je demandais grâce. Tu me criais « marche !» et j'allais. J'allais, épuisé, haletante, déchirant ma robe aux ronces du chemin, brûlant mon front aux ardeurs du midi. Tu ne me laissais pas le temps de renouer ma ceinture et de relever les fleurs de ma couronne déjà pâlissante. Vainement, si nous rencontrions quelque asile embaumé, quelque mystérieuse oasis, je te disais « c'est là ». Quel bonheur, ami, c'est là qu'il nous faut dresser notre tente. Tu continuais ta course acharnée et m'entraînais sans pitié à travers les sables arides. Est-il un outrage que tu m'aies épargné, un orage dont tu aies préservé ma tête? Que de fois je me suis assise, lasse, découragée, décidée à t'abandonner. Mais, ingrat, je t'aimais, et lorsque, étonné de ne plus me sentir près de toi, tu te retournais pour m'appeler du geste ou de la voix, je me levais et volais sur tes traces. Aujourd'hui, c'en est fait, ami. Je n'en puis plus. Mon sang s'arrête, mon regard se trouble, mes jambes se dérobent sous moi. Ouvre tes bras, presse-moi sur ton sein. C'est dans ton cœur que j'ai reçu la vie, c'est sur ton cœur que j'ai voulu mourir. Tu ne mourras pas, m'écriai-je en ouvrant mes bras pour la recevoir. Mais, créature étrange, « parle, qui donc es-tu ? » ?»« Je ne suis plus, » dit-elle, « et je fus ta jeunesse. » À ces mots, je voulus la saisir, mais elle avait déjà disparu, et je n'aperçus à sa place que quelques fleurs flétries tombées de ses cheveux. Je les relevais toutes, et n'en trouvais pas une qui eût gardé quelque parfum. Ainsi s'achève La dernière fée par Jules Sandeau.